Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le Boléro de Ravel, l'histoire d'un pillage organisé. Qui n'a pas un jour fredonné cette mélodie envoûtante, répétitive et obsédante, imaginée en 1928 par l'un des plus grands compositeurs français, Maurice Ravel d'ailleurs. Dès sa sortie, le Boléro devient un tube planétaire, danse macabre pour les uns, montée vers l'extase pour les autres, un petit miracle pour tous. L'œuvre inonde les salles de spectacle, les bacs des disquaires, les spots publicitaires, les standards téléphoniques, les salons de coiffure et jusqu'au cinéma d'Excite le Louche avec les uns et les autres, par exemple. On estime que le Boléro serait joué tous les quarts d'heure, quelque part sur Terre. Compte tenu de sa durée, 17 minutes, ses battements de tambour ne pourraient jamais s'arrêter, véritable pulsation du monde. Mais cette aventure unique et artistique en cache une autre, nettement moins glorieuse. Une histoire d'héritage, de bataille autour des droits d'auteur, de conflits devant les tribunaux. Une histoire d'influence, d'amitié, d'amour même, et de trahison. Une histoire d'argent surtout, où des sommes considérables générées par les œuvres de Ravel filent droit vers tout un tas de paradis fiscaux. Une histoire de fric, donc une histoire vulgaire aussi, une saga qui n'en finit plus. 91 ans après sa composition, le Boléro suscite toujours autant de convoitises et pose la question de certains ayants droit. Comment des gens sans talent particulier, donc sans autre mérite que de vivre sur le dos de la bête, peuvent-ils décider parfois de la vie d'une œuvre et de son avenir? Notre invité aujourd'hui, Manuel Cornero, universitaire, chercheur, spécialiste de Ravel, président fondateur de l'association des Amis de Maurice Ravel et éditeur du livre Maurice Ravel, l'intégrale, correspondance 1895-1937, publié l'année dernière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Vaupinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 27 avril 1928. Le paquebot Paris, fleuron de la flotte transatlantique française, entre dans le port du Havre. À son bord, le compositeur français Maurice Ravel, de retour d'une folle tournée en Amérique qui l'a ramené de New York à Chicago, de Montréal à Houston, de Vancouver au Colorado. Partout, ce fut un triomphe. À 52 ans, Ravel est au sommet de sa gloire, célébré comme l'un des plus grands réclamés aux quatre coins du monde. Entre chaque voyage, il rentre chez lui, au Belvédère, sa maison de Montfort-la-Maurie, village de l'ouest parisien où il vit depuis 7 ans. Un pavillon excentrique, aux allures de maison de poupée, bourrée de petites choses, miniatures en tout genre, bibelots et jouets en ressort. Au milieu du salon, trône son piano, entouré des portraits de sa mère, de son père et de son frère adoré, Édouard. À peine a-t-il le temps de poser ses bagages qu'il doit se remettre à composer. Avant son départ en Amérique, en effet, la grande Ida Rubinstein lui a commandé un ballet, le genre de proposition qui ne se refuse pas. Ida est russe, danseuse et immensément riche. Elle a coutume de réserver l'Opéra Garnier plusieurs fois par an pour s'y produire. Cette fois, elle rêve d'un ballet, un ballet d'inspiration espagnole. Alors, Ravel s'y met, jouant parfois de paresse. Il pense un temps à reprendre la suite pour piano Iberia, écrite par Isaac Albéniz. Mais il apprend finalement que les droits de la pièce ne sont pas disponibles. C'est la fin de l'été 1928 et le temps presse. Le ballet d'Ida Rubinstein est programmé dans quelques semaines. Bon, après tout, dit-il à ses amis, j'aurais plus vite fait d'orchestrer ma musique que celle des autres. Bien, mais reste à l'écrire. Assis à son piano, seul au Belvédère, cigarette aux lèvres et toujours impeccablement peigné, il imagine un thème facile, un motif répétitif, mécanique, que tout le monde pourrait chantonner comme une rengaine. Un coup de génie, en fait, raconté en 1980 sur France 3 par le grand pianiste polonais Arthur Rubinstein, un homonyme d'Ida, sans lien de parenté avec elle. Bien, Ravel a été aussi appelé par Ida Rubinstein. Il dit un ballet espagnol. Seulement, mon cher ami, il a dit, il faut que ça dure plus de 12 minutes. Alors lui, furieux, dit encore ces minutes. Vous savez, ça n'est pas facile de composer une œuvre en pensant à des minutes. Il dit, ah, mais mon cher ami, il faut comprendre que le théâtre a des exigences, le ballet spécialement. Alors il a dit, bien, je veux me débrouiller. Et Ravel, en la quittant, est allé à retrouver tes amis, Roussel, dans un café, il dit, ah, je l'ai eu, la mère Rubinstein. Vous savez, elle m'a demandé 18 minutes, eh bien, je lui écrirai un petit thème qui ne durera pas une minute, mais que je vais répéter jusqu'à 18 minutes en comptant. Oui. Après seulement un mois de travail, Ravel achève la composition du Boléro. Le 28 novembre 1928, il est joué et dansé pour la première fois à l'Opéra Garnier dans un décor signé Alexandre Benoît. Le succès est immédiat. La presse du lendemain évoque, je la cite, une ivresse vertigineuse, une sorte d'hallucination, une incessante sorcellerie. Un triomphe qui stupéfie Ravel. Pour lui, ce Boléro n'est rien d'autre qu'une expérience très spéciale et limitée. Je reprends ces mots, un tissu orchestral sans musique, juste bon à être dansé. La veille de la première, il disait encore à ses amis « Voici un morceau que les grands concerts du dimanche n'auront jamais le front d'inscrire à leur programme. » On le sait, l'avenir lui donne tort. Ô combien ! Car le Boléro est porté au nu par les orchestres petits et grands, bientôt universels et pour longtemps, au point de devenir l'un des refrains les plus célèbres du monde. Le cinéma s'en inspire, le phonographe et la TSF le diffusent à longueur de journée, et les reprises s'enchaînent, pour les meilleurs et pour le pire, dessinant presque à elles seules une histoire de la musique. Florilège. Jamás una rocola siempre a ritmo de jazz, así es el Lady Ce succès inattendu pour Ravel est aussi une manne financière miraculeuse pour René Domange, son éditeur. À la tête des éditions Durand, cet avocat de formation, président de la chambre syndicale des éditeurs de musique, est un homme d'influence, un homme déterminé à défendre les droits nouveaux nés avec l'avènement du 78 tours. Le 9 janvier 1930, sous la direction de Ravel, le Boléro est l'une des premières œuvres à être gravée dans la cire. Cette année-là, Ravel commence la composition d'un autre de ses chefs-d'œuvre, Concerto pour la main gauche, qui sera aussi l'un de ses derniers. En 1933, à l'âge de 58 ans, en effet, la maladie frappe à sa porte. Il éprouve une gêne inexplicable à écrire, à signer. En vacances, dans sa maison de Saint-Jean-de-Luz, il s'aperçoit qu'il ne sait plus nager. Le 6 février 1934, sur ordre de son médecin, Ravel quitte Paris pour la montagne suisse, près de Lausanne, où il sombre dans la maladie. Le début d'un calvaire long de 4 ans. Le 19 décembre 1937, il subit une trépanation de la dernière chance, sans résultat. Il meurt quelques jours plus tard, le 28 à 3h30 du matin. Serge Liffard, son prestigieux interprète, assiste à son agonie. Vers 7h du soir, je me suis présenté à la petite clinique rue du Boileau. sous les lits, il y avait un corps si petit, si minuscule, c'était Ravel, couvert de blanc, et sa tête était bandée. Donc on voyait pratiquement pas sa tête, on voyait que ses yeux qui étaient au fond d'un paquet blanc. Et j'ai entendu quelques soupirs, quelques mots incompréhensibles. Et c'était donc l'agonie. Et à ses pieds, il y avait son frère Édouard qui pleurait. Maurice Ravel, l'éternel dandy, meurt à 62 ans sans laisser de descendance ni de testament. Et c'est bien là le problème et le début de notre histoire. C'est donc son frère cadet, Édouard, qui hérite du belvédère de Montfort-l'Amaury, mais aussi des droits musicaux de l'ensemble de son œuvre, Boléro en tête. En cette année 1938, la question du droit d'auteur est au cœur des débats. Le nouveau ministre des Beaux-Arts, Jean Zay, future figure héroïque française, dépose un projet de réforme visant à protéger davantage les créateurs au détriment des éditeurs. À l'Assemblée nationale, son principal adversaire s'appelle René Domange, l'éditeur de Ravel, justement, et désormais élu député conservateur. C'est qu'il a beaucoup à perdre avec ses idéaux du Front populaire. Mais les craintes de Domange sont balayées par le vent d'histoire. Le 2 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne et sonne le glas du projet de réforme de Jean Zay, socialiste humaniste, qui pour ses raisons devient en 40 l'une des premières cibles du régime de Vichy, emprisonné puis assassiné par les milices françaises le 20 juin 1944. René Domange, lui, gagne en influence. Il est nommé par Pétain directeur du comité d'organisation des industries et commerces de la musique. Il restera fidèle au maréchal jusqu'à la libération. C'est aussi à cette époque que le musicologue et biographe de Ravel, Marcel Marna, entend pour la première fois le boléro. La première fois que j'ai entendu le boléro, j'étais tout gamin, c'était dans le Jura à Dole. Je me demande bien avec quel orchestre on a joué ça d'ailleurs. C'était la Libération, un moment de folie. Et on faisait des tas de choses extraordinaires à la Libération parce que tout le monde était heureux. C'est notre prof de musique qui a dit « Dimanche, je fais un concert, vous allez venir. » Et alors bon, il est allé, entraînant les pieds. Et donc, notre cher Lespinasse a joué le boléro. Et au cours d'après, il nous a dit « Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus ?» Et je lui dis, j'ai trouvé ça bien. Et alors Lespinasse m'avait dit, Marna, c'est un grand musicien, mais enfin, il a fait ça pour s'amuser, c'est pas important. Alors les copains, évidemment, Marna, patate, etc. J'étais absolument furieux, humilié comme pas. Hein. Voilà mon premier contact avec la musique instituée. À Saint-Jean-de-Luz, Édouard, le frère et unique héritier de Maurice Ravel, profite aussi de cette nouvelle liberté. En 1947, après des années de liaison officieuse, il épouse Angèle, veuve de son ancien patron. Cette même année, l'ancien député René Domange est inculpé, lui, pour intelligence avec l'ennemi, mais relaxé, faute de preuves. Alors, tranquillement, il reprend la tête des éditions Durand et continue d'empocher une partie des droits du boléro de Ravel. Des millions de francs pour encore 48 ans et des poussières, oui. Les œuvres musicales sont alors protégées 50 ans après la mort de l'auteur, auquel il faut désormais ajouter des prorogations pour cause de guerre, arbitrairement fixées à plus 8 ans et 120 jours. Édouard Ravel, le frère héritier, peut aussi dormir tranquille. À 70 ans, il coule une paisible retraite à Saint-Jean-de-Luz. Sans enfant, il continue à veiller la mémoire de son frère. En 1949, il crée la fondation Maurice Ravel, chargée de conserver les biens ayant appartenu au compositeur, comme ses manuscrits inédits ou ses partitions inachevées. Le boléro, lui, est toujours repris dans tous les styles, du mambo jusqu'à la parodie politique, comme ici avec Pierre Dac. Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Oui, qui soit un peu comme un parti. Notre parti, un parti placé au-dessus des partis. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui. « Et puis en 1954, un motard imprudent vient bouleverser ce bel équilibre. Édouard Ravel et sa femme Angèle sont victimes d'un accident de la route. Grièvement blessés, ils font alors appel à une masseuse à domicile. Elle s'appelle Jeanne Taverne. Elle a 48 ans et enchaîne les petits boulots. C'est pour elle une occasion en or. Les Ravel mènent un grand train de vie et le prix de ses prestations s'envole. Puis, peu de temps après son arrivée, elle fait embaucher son coiffeur de mari, Alexandre, comme chauffeur particulier de monsieur. Les époux Taverne sont dans la place et combien y restaient. Deux ans plus tard, en 1956, la femme, Angèle Ravel, meurt des suites de ses blessures. Alors, l'emprise des époux Taverne se resserre un peu plus sur Édouard. À peine 6 mois après le décès de sa femme, il leur vend sa magnifique villa de Saint-Jean-de-Luz, une donation déguisée. Et ce n'est pas tout. Jeanne, la masseuse attitrée, obtient procuration sur tous les comptes en banque d'Édouard. Quelques mois plus tard, en décembre 57, un gala est donné à l'Opéra Garnier pour le 20e anniversaire de la mort de Maurice Ravel. Édouard est aux premières loges. Ce soir-là, il promet de léguer 80% des droits de son frère à la ville de Paris. Mais 3 jours plus tard, il se rétracte et fait de Jeanne Taverne sa légataire universelle. Seul le belvédère, la maison de Maurice, son mobilier et ses archives sont exclus du legs au profit des musées nationaux. Mieux encore, aux dernières nouvelles, Jeanne Taverne a divorcé de son mari Alexandre et projette désormais de se marier avec son patron Édouard Ravel. La raison ? Eh bien, cela lui évitera le revenu de payer le montant astronomique des droits de succession. Sauf que, pas de chance, l'heure sonne un peu trop tôt. Le 5 avril 1960, Édouard Ravel meurt, 8 jours avant les noces. 3 mois plus tard, les divorcés Taverne repassent devant le maire et se remarient. Au même moment, au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, le chorégraphe Maurice Béjart s'empare du boléro et fait sa petite révolution dans l'histoire de la danse. Il s'en souvient au micro de France Culture en 2005. Mais le boléro, ça a l'air très très facile, c'est très difficile. C'est très, parce que c'est, de la part de Ravel, c'était une gageure, vous voyez. Avec un thème faire 18 minutes, c'est quand même un tour de force. Et alors, si on fait beaucoup d'actions sur ce boléro, ça ne marche pas. Il faut faire la répétition, la répétition, la répétition. Et si on répète trop, c'est la barbe, vous voyez. Alors, il faut arriver à trouver quelque chose qui ne soit pas une répétition, et en même temps, qui soit ce que Ravel a voulu. Vous voyez. Très bien, boléro de Wagner. De son côté, René Domange, l'éditeur des œuvres de Maurice Ravel, commence à sérieusement s'inquiéter. Ses époux de Taverne pourraient bien ruiner sa petite entreprise. Il se met alors à la recherche d'héritiers naturels des frères Ravel. Et l'on retrouve un petit cousin, tromboniste en Suisse, Marc Perrin, qui entretenait des liens privilégiés avec Maurice. En avril 61, à Bayonne, lui et sa sœur portent plainte pour captation d'héritage. La mémoire de leur illustre aïeul est en jeu. Les époux Taverne, eux, pourraient bien perdre leur formidable machine à cash. La procédure durera de longues années, pendant lesquelles la SACEM, l'Organisme National de Gestion et Redistribution des Droits d'Auteur, bloque les sommes revenant aux ayants droit. Entre-temps, le 12 avril 1964, Jeanne Taverne, l'ancienne masseuse, décède. Elle n'assistera pas au procès, donc, évidemment. En 1965, seul son époux Alexandre, ex-coiffeur, est présent sur le banc des prévenus. On lui reproche à lui, à feu, sa femme, une manipulation diabolique et des traitements indignes. Mais la défense ne parvient pas à apporter les preuves irréfutables qu'Édouard Ravel n'a pas rédigé librement son testament. Le 3 mai 66, les petits cousins de Ravel sont déboutés et Alexandre Taverne repart avec le paquetole. La presse parle alors de 36 millions de francs, ce qui fait, si mes calculs sont bons, 5 millions et demi d'euros. Le lendemain du jugement, un journaliste de l'ERTF tend son micro à l'heureux rentier confortablement installé dans une chaise longue. Depuis combien d'années, Monsieur Taverne, touchez-vous les droits d'auteur de Maurice Ravel? Depuis la mort de Monsieur Ravel. C'est-à-dire? C'est-à-dire en 1960. Cela vous rapporte énormément d'argent? Ça me rapporte de l'argent. Mais le plus gros bénéficiaire, croyez-moi, c'est le fisc. 100 millions, disent certains, 100 millions par an. Comment voulez-vous savoir? Aujourd'hui, le Ravel se joue, mais le lendemain, il ne se joue plus. Est-ce que votre vie a changé tout de même? Vous étiez coiffeur, vous êtes aujourd'hui millionnaire, et cela grâce à Ravel. Ça a changé un point de vue qui est celui-ci. Je ne suis plus naturellement absorbé par un travail que j'avais lorsque j'étais chez moi. Maintenant, je suis beaucoup plus libre. Avec le recul, pensez-vous mériter cet héritage? Certainement. Les petits cousins font appel du jugement, mais rien n'y fait. Alexandre Taverne, le mari de la masseuse du frère de Maurice Ravel, en accord d'une filiation plus directe pour un héritage, devient l'unique héritier de l'un des plus grands compositeurs français. Il vient d'ailleurs de s'offrir une villa de rêve sur les hauteurs de Biarritz, des chevaux de course et même une nouvelle épouse, Georgette Lorga, coiffeuse comme lui, déjà maman d'une petite fille, Evelyne, issue d'un premier mariage. Pour ne pas se trouver fort dépourvu quand la bise fut venue, Alexandre Taverne prend aussi conseil auprès d'un redoutable homme de l'ombre, Jean-Jacques Lemoine. Celui-là est directeur juridique de la SACEM et, à ce titre, il connaît parfaitement le dossier Ravel. À l'époque, le Boléro est le plus gros contributeur des recettes de la société d'auteurs. Alors, Jean-Jacques Lemoine démissionne, passe le barreau sur le tard et devient officiellement l'avocat d'Alexandre Taverne. Un opportuniste devant l'éternel avec des idées à foison pour faire fructifier le magot. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Début des années 70, Alexandre Taverne, ex-Marie Lejeune, la masseuse et héritière d'Édouard Ravel, a gagné tous les procès contre les petits cousins du célèbre compositeur et se retrouve donc à la tête d'une fortune. Avec sa nouvelle femme, Georgette, et un nouvel avocat, l'ancien directeur juridique de la SACEM, Jean-Jacques Lemoine, le boléro est sous contrôle. C'est presque le boléro de Taverne. Mais une manne lui échappe encore. Les éditions Durand détiennent toujours 75% du contrat touchant à l'édition des œuvres de Maurice Ravel, les disques tout autant que les partitions. Lemoine et Taverne oblige alors l'éditeur historique de Ravel, René Domange, à reconsidérer cet accord. Et les choses s'enveniment. Mais à 82 ans, Domange ne fait plus le poids et finit par céder. Il ne conservera que la moitié du revenu des partitions. Le reste, vient grossir un peu plus encore la fortune de l'héritier Taverne et au passage celle de son avocat. Pour l'occasion, Jean-Jacques Lemoine crée la société Arimacorp, domiciliée aux Nouvelles-Hébrides, paradis fiscal où est désormais gérée l'œuvre de Maurice Ravel, avant de s'éparpiller, comme l'apprendra une enquête du Point en 2000, dans une multitude d'autres comptes à Gibraltar, au Panama, aux îles Vierges, à Amsterdam et aux Antilles néerlandaises. Partout où il est possible de planquer son fric, partout où cette délinquance financière peut s'exprimer, partout où cette manne défiscalisée appauvrit les plus nécessiteux dans tous les pays, ce qu'on appelle un crime social. Et puis le 20 août 1973, les millions du boléro changent de main, une nouvelle fois. Alexandre Taverne, l'un des hommes les plus riches de France, celui qui a défrayé la chronique avant-guerre, est décédé. Alexandre Taverne, c'est notamment le bénéficiaire des fabuleux droits d'auteur de Maurice Ravel, quelques 200 millions d'anciens francs par an. Sa veuve, Georgette, devient alors la nouvelle héritière des œuvres du grand compositeur, elle qui est, si vous m'avez bien suivi, la seconde épouse du mari de la masseuse du frère de Maurice Ravel. Avec sa fille Evelyne, issue d'un premier mariage, elle s'installe en Suisse, à Gstaad, la station de ski de la Jet Set. Son avocat, Jean-Jacques Lemoine, s'installe lui à Monaco, d'où il continue de placer l'argent généré par les droits musicaux dans des paradis fiscaux. Le mécanisme Ravel a trouvé un point d'équilibre qui pourrait durer comme ça, ad vitam. Oui, mais voilà, le droit d'auteur a une prescription. 50 ans à dater de la mort de l'artiste, auquel il faut ajouter dans le cas de Ravel, les prorogations de guerre. Ainsi, en 1977, alors que meurt l'éditeur René Domange, il ne reste que 19 ans de profit potentiel. Aïe, comment y remédier? C'est alors qu'entre en scène un nouveau personnage, Jean-Manuel de Scarano. Ce riche producteur rachète les éditions Durand de Feu Domange, encore propriétaire de 10% des droits de Ravel. Il devient aussi vice-président de la Chambre syndicale des éditeurs de musique et se révèle être un habile lobbyiste. En 1981, le nouveau ministre de la Culture, Jack Lang, fait savoir qu'il veut réformer le droit d'auteur et moderniser la législation sur la propriété intellectuelle. Une entreprise vaste et ambitieuse dans laquelle les héritiers de Ravel voient une opportunité inespérée de défendre leurs intérêts. Ils plaident alors un rallongement de 20 ans de la protection du droit d'auteur pour les seules œuvres musicales et se révèlent convaincants puisque le 3 juillet 1985, la nouvelle loi sur les droits d'auteur et les droits voisins est adoptée par le Parlement à l'unanimité. Le lendemain, le ministre Jack Lang est interviewé sur France Inter. C'est un texte qui aura, j'espère, une longue vie. Et les parlementaires ont eu à cœur de donner, je dirais, une assise d'approbation à ce texte qui va apporter des droits nouveaux. Les auteurs sont mieux protégés. Les auteurs, les artistes interprètes, les réalisateurs de films et les producteurs. Je dirais que c'est très difficile d'expliquer ça en quelques mots, c'est très technique, c'est un petit peu chinois ce projet. Un texte très long et très dense. Je dirais que, au fond, l'idée principale, c'est de mieux armer juridiquement l'ensemble de ce qu'on appelle les partenaires de la création, face aux nouveaux médias et aux nouvelles techniques. Et donc, la protection des droits d'auteur s'étend de 50 à 70 ans après la mort de l'artiste. Un sursis providentiel pour les héritiers du boléro, à raison de 1,5 million d'euros par an. Obtenir une rallonge de 20 ans fait gagner 30 millions à partager entre le sémillant Jean-Manuel de Scarano, la discrète Georgette Taverne et l'énigmatique Jean-Jacques Lemoine. Bref, de quoi voir venir. Avance rapide, nous sommes 35 ans plus tard. En 2012, Georgette décède à l'âge de 93 ans. C'est alors sa fille, Evelyne Pendecastel, issue d'un premier mariage, qui hérite des droits restants des œuvres de Ravel. Mais les sources tarissent. Il ne reste que trois pays où le compositeur est protégé. L'Espagne, les États-Unis et la France, qui elle seule représente 50% des droits. Mais plus pour très longtemps. Le compte à rebours, en effet, a commencé. Date d'entrée du boléro dans le domaine public, 1er mai 2016, et inutile cette fois de harceler le ministre de la Culture. C'est probablement l'une des œuvres musicales les plus jouées au monde et l'une des plus singulières. Le boléro de Ravel tombera demain dans le domaine public, mais depuis 1929, elle s'est progressivement installée en tête du classement mondial des droits d'auteur, un incroyable héritage que les ayants droit gèrent en toute discrétion. Voilà, c'est fait. À partir de ce dimanche 1er mai 2016, le boléro pourra être joué et utilisé sans paiement de droits d'auteur, refermant ainsi un long et complexe feuilleton juridique. Pas si vite. Ce serait sans compter sur quelques invités surprises. Deux jours après l'entrée du boléro dans le domaine public, le Figaro révèle que la SACEM est en train d'étudier une demande étonnante. Elle provient d'un certain Dimitri Vichenet. Et voilà ce qu'il affirme. Son grand-père, Alexandre Benoît, le décorateur de Maurice Ravel, serait aussi le co-auteur du boléro. Ce serait lui, notamment, qui aurait décidé le compositeur à déplacer l'action de ce boléro de la sortie d'une usine à l'intérieur d'une taverne. L'argument du ballet est donc le fruit d'une collaboration, donc il y a co-création. Et comme Benoît est mort en 1960, 23 ans après Ravel, il y a prolongation de la prescription jusqu'en 2039. Et tiens donc, comme par hasard, l'héritière Evelyne Pendecastel pointe aussi le bout de son nez et soutient la démarche des descendants d'Alexandre Benoît. À la SACEM, on en reste sans voix. Son vice-président, Laurent Petit-Girard, explique quelque temps plus tard sur France 2 les raisons qui ont motivé une telle démarche. Écoutez, je crois qu'il y a une double motivation. Je crois qu'il y a une motivation de la part des héritiers d'Alexandre Benoît d'honorer leur aïeul, et que l'argent n'est sincèrement pas le premier motif. Ça, c'est pour la partie des héritiers Benoît. Vous me permettrez de garder le silence pour l'autre partie. Pour les héritiers de Ravel, vous pensez qu'il y a peut-être une motivation? Je ne veux pas le savoir, parce que je n'ai pas envie de leur donner prétexte à une quelconque procédure. Consciencieusement quand même, la SACEM examine les pièces apportées par la famille d'Alexandre Benoît et les héritiers de Ravel. Las, aucune correspondance entre le compositeur et son décorateur n'est mise au jour, aucune mention non plus d'un travail commun, pas plus que de documents où Alexandre Benoît revendique clairement la paternité du boléro. Faute d'éléments probants, la société d'auteurs rejette donc la demande à l'unanimité à deux reprises. Mais il en faut plus pour décourager les spéculateurs. En juin 2018, les héritiers Benoît, alliés aux héritiers Ravel, assignent la SACEM en justice. La phase d'instruction est en cours. Alors, l'héritage Ravel, au final, c'est quoi? Eh bien, c'est près de 49 millions jusqu'en 1970, des rentrées fluctuantes qu'on peut imaginer décroissantes au 21e siècle, avec un minimum tout de même d'1,5 million annuel jusqu'en 2016, ce qui fait en tout 69 millions d'euros. Au moins 117 millions. Donc, et en tout, malgré le procès à venir, cela risque d'en rester là. 82 ans après la mort du compositeur, on se dit qu'une certaine logique semble reprendre ses droits. Au moins en partie. Car Evelyne Pendecastel, qui est, si vous m'avez toujours bien suivi, la fille du premier mariage, de la seconde épouse, du mari de la masseuse ayant prodigué des soins au frère de Maurice Ravel, détient toujours le droit moral inaliénable et perpétuel sur l'œuvre de compositeur. Elle garde la possibilité, par exemple, d'attaquer en justice un interprète dont elle estimerait qu'il dénature l'esprit de la partition.

magnifique. Alors ça, l'important et l'essentiel, c'est ce qui est écrit. Hein. Mais c'est une exploration sur le champ musical, artistique de Maurice Ravel et personnel également. Bien, alors pour commencer, un mot sur l'instruction en cours, ce fameux ultime rebondissement pour que soit déclaré un co-auteur du Boléro de la Ravel. Vous qui connaissez par cœur cette œuvre, est-ce que c'est crédible ? Eh bien écoutez, en tant que chercheur et éditeur de la correspondance de Maurice Ravel, on peut affirmer qu'absolument aucun document ne permet de dire que le Boléro a le moindre co-auteur. Premièrement, les deux manuscrits existants du Boléro, l'un qui est un brouillon qui est à la Bibliothèque nationale à Paris, l'autre de 31 pages, l'autre qui est un manuscrit définitif à New York, à la Pierpont Morgan Library, de 38 pages, eh bien ces deux manuscrits, bien évidemment, sont du seul Maurice Ravel. Et ce deuxième manuscrit comporte simplement une mention, une dédicace à la commanditaire de l'œuvre, donc à Ida Rubinstein, sur la première page. Et c'est tout. Et des corrections par les collaborateurs de Maurice Ravel aux éditions Durand, donc Lucien Garban. Deuxièmement, le contrat du Boléro existe, il est publié dans l'édition de la correspondance que vous avez entre les mains. Donc ce contrat du 16 octobre 1928 est exclusivement, je dis bien exclusivement, entre Maurice Ravel et les éditions Durand, avec certes une clause, mais qui est une clause d'exclusivité pour Ida Rubinstein, de 3 ans pour les représentations au théâtre, et d'un an pour les exécutions en concert. Donc, il est bien un clair. Un contrat classique. Un contrat tout à fait classique, avec cette clause quand même d'exclusivité. Oui. Mais oui. Bien sûr, on observera que dans le contrat, ni Alexandre Benoît, décorateur, ni d'ailleurs la chorégraphe, ne sont mentionnés. Troisièmement, nous n'avons aucune correspondance entre Maurice Ravel et Alexandre Benoît. Et d'ailleurs, Alexandre Benoît est absent des carnets d'adresses de Maurice Ravel conservés à la Bibliothèque nationale. Je pourrais ajouter des quatrièmement, cinquièmement, etc. Mais nous manquons de temps. Bien, nous allons reparler de ces contrats, mais je voudrais quand même qu'on parle du Boléro de Ravel, ne serait-ce qu'une minute. D'un point de vue purement artistique, c'est une œuvre énorme. Hein, c'est vraiment, d'abord, c'est connu de tous les terriens, c'est ce qu'on appelle un tube mondial. Même si on est en musique classique, on dit pas tube, il n'y en a pas eu énormément. Comme ça, qu'est-ce qui fait sa force d'un point de vue artistique? Pour vous, par exemple, c'est tout à fait subjectif comme réponse, mais allez-y. Ah bah écoutez, c'est une œuvre absolument exceptionnelle. Il y a un tour de force extraordinaire, donc avec ce crescendo orchestral, ouais. et une perfection de l'orchestration, la clarté de l'écriture de Maurice Ravel. Et puis, donc il y a une force absolument extraordinaire qui se dégage. Et alors il y a une foule d'interprétations sur l'œuvre, mais j'aimerais bien vous laisser parler Maurice Ravel parlant du Boléro. Ouais. Donc il nous dit: j'avais entrepris pour Ida Rubinstein un travail sans intérêt, c'est-à-dire l'orchestration des Iberia d'Albinis, qu'après un échange de correspondance, il nous a fallu abandonner. À ma grande satisfaction, me désespoir d'Ida Rubinstein, je lui ai alors proposé de réaliser une machine, c'est comme ça qu'il l'a appelé souvent, une machine, dont j'eus l'idée il y a quelques 3 ans et que je n'aurais jamais mise à exécution, crainte d'être sabotée. Et effectivement, il présente aussi son œuvre comme un tissu orchestral sans musique, un long crescendo très progressif. Il ajoute: pas un seul compositeur n'aime le Boléro, et de leur point de vue, ils ont tout à fait raison. J'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et pour les auditeurs, c'est à prendre ou à laisser. Bien. Écoutez, on va poursuivre dans la personnalité de Maurice Ravel avec cette interview que nous allons écouter ensemble. Interview de compositeur Pierre Petit, ça remonte à 1964. Ravel est un homme sur lequel il n'a couru aucun bruit, sur lequel on ne pourrait pas avoir écrit les livres qu'on a pu écrire, par exemple, sur Debussy. On a fait paraître il n'y a pas longtemps une biographie romancée de Debussy, d'ailleurs passablement exacte, où il est question de la vie passionnelle de Debussy. Ça fait un gros bouquin qui s'intitule « Clair de lune ». Eh bien, un livre semblable est parfaitement impensable au sujet de Ravel, qui n'a pas eu de vie en dehors même de celle qui est conditionnée par l'évolution de son œuvre. En somme, pas d'histoire. En somme, pas d'histoire au pluriel. Pas d'histoire sur Ravel. Aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas un people. Voilà, c'est un artiste qui vit essentiellement de son œuvre et pour son œuvre, vous confirmez ? Absolument. Donc c'est quelqu'un qui vit, qui est, comment dire, vous savez, donc il y a la célèbre formule qu'il livre à un ami de Montfort-Lamaury, un voisin, Jacques de Zoguebe, auquel il dit, au fond, ma seule maîtresse, c'est la musique. Et en effet, parce qu'il s'il adore ses amis, sa famille, faire la fête dans les cabarets, au Boeuf sur le Toit, au Grand Écart, eh bien, il a la composition, c'est sa vie. Et c'est sa vie le jour comme la nuit. Donc, sa raison de vivre. Il est noctambule. C'est vraiment sa raison de vivre. Au-delà de cette activité, de son activité artistique. Il est assez lent à composer. Il est plutôt lent à composer. Ça dépend des cas, bien sûr, mais il est tellement perfectionniste, et il a besoin de méditer très longuement les œuvres avant de pouvoir les coucher sur le papier. Donc c'est vraiment sa vie. Donc d'où ce besoin d'isolement, à la fois être proche de Paris à une trentaine, quarantaine de kilomètres à Montfort-l'Amaury, tout en restant près de Paris, les lieux de concert, bien sûr, sans couper totalement. Mmh. Mais c'est un entre-deux. C'est aussi quelqu'un qui pouvait se montrer fantaisiste, enfin en témoigne en tout cas les nombreux reportages sur sa maison de Montfort-l'Amaury, aujourd'hui un musée rempli de petites babioles, automates en tout genre. C'est le côté enfant, puéril, c'est bien d'ailleurs. La maison Montfort-l'Amaury, le musée national, ouais. Maurice Ravel, est à visiter absolument. C'est un lieu absolument féerique, peuplé d'objets, de jouets. Il a une fascination pour tout ce qui est mécanique. Son père et son frère étaient ingénieurs, des inventeurs. Donc, et en particulier, par exemple, je citerai dans les objets absolument très poétiques et féeriques, il y a un petit oiseau musical mécanique et qui chante, qu'on entend chanter dans sa cage, qui bouge en même temps. C'est un objet merveilleux que faisait fonctionner Claude Moreau, la guide du Belvédère. Et puis, dans sa maison, effectivement, il y a un soin très très particulier, presque maniaque, à décorer, pour à soigner la décoration. Il a veillé à la construction de ses étagères pour sa bibliothèque. C'est une mise en scène absolument. Ouais. Et tout est calculé de la même manière que sa tenue est extrêmement soignée, toujours tirée à quatre épingles. Ses cravates sont assorties à ses petits foulards en soie, à ses chaussettes. Il peut passer, des fois à Amsterdam, ses hôtes s'étonnent de le voir passer la journée au choix d'une cravate. Dandy, voilà. Donc, à côté d'Andy. Bien. Voilà. Le 8 avril 92, la partition originale du Boléro est mise en vente. Chez Drouot, hein, je vous propose d'écouter les souvenirs de Catherine Massip autour de cette journée. Elle est alors directrice du département de la musique à la BNF. La salle était pleine. Le Boléro de Ravel faisait partie des derniers numéros de la vente. Donc il y a eu une espèce de suspense qui a duré peut-être 2 heures. Et au moment où on est au point absolument culminant, il faut vraiment être extrêmement rapide et bien réagir au bon moment. Nous vendons maintenant le manuscrit du Boléro au crayon, 31 pages. C'est la toute première esquisse du Boléro et nous commençons à 1 200 000 francs. 1 200 000 francs, 1 300 000, 1 350 000, 1 400 000, 1 450 000, 1 650 000, 1 800 000. Couvre-t-on l'enchère de 1 800 000 pour le Boléro? Adjugé au second rang, 1 800 000, sous réserve du droit de préemption de la Bibliothèque nationale. Voilà, si je vous ai fait écouter cette archive, extraite de l'excellent documentaire « Qui a volé le Boléro de Ravel ?» Ça, c'est le titre, hein, « Qui a volé le Boléro de Ravel ?» réalisé par Fabien Collal et produit par 18e District. C'est pour évoquer avec vous la deuxième grande affaire Ravel, celle des archives disparues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors écoutez, en tant que chercheur sur le compositeur, mon objectif, c'est de retrouver des documents le concernant ou de sa main. Donc d'abord, il y avait les correspondances, les écrits et les entretiens qui sont l'objet de ce livre. Et puis également, donc, c'est essayer de retrouver donc ces manuscrits à travers le monde. Et en effet, donc nous savions que les manuscrits de Maurice Ravel qui se trouvaient au Belvédère s'étaient donc retrouvés en possession des tavernes. Ouais. D'où l'appellation de collection taverne, donc sachant qu'en fait, qu'il s'agit bien des archives de Maurice Ravel. Et simplement, on peut se poser la question, dans la mesure où Édouard Ravel avait rédigé un testament concernant le legs du Belvédère aux musées nationaux, oui. Comment expliquer la présence de ces manuscrits dans cette collection? Je pose simplement la question, je ne tire aucune conclusion, je pose simplement la question, sachant qu'Édouard Ravel affirmé dans un entretien, ne possédait qu'un seul manuscrit de Maurice Ravel. Or, en février 2016, je découvre, comme chercheur, sur le site d'un marchand de New York, très connu, un fichier PDF avec un inventaire de 1400 pages de manuscrits musicaux de Maurice Ravel. On n'indique pas du tout la provenance. Il y a l'inventaire très détaillé, tous les titres, les pages, etc. Et donc je m'interroge, je contacte immédiatement le marchand américain pour lui demander la provenance, s'il peut m'en dire plus. Et je préviens aussi donc le musée Maurice Ravel, les services de l'État, puisque le musée a un statut particulier, il y a un bail emphytéotique, donc c'est propriété des musées nationaux, mais c'est géré par la ville de Montfort-l'Amaury. Donc j'essaye de prévenir les uns et les autres, ainsi que la bibliothèque nationale. Pardon, et ensuite, le bail dont vous parlez, c'est celui de 99 ans, c'est le ça bail, c'est un bail, le bail de 99 ça, ans pour la concernant le musée, effectivement. Donc le bail datant de 1971. Et voilà. Et après, je n'en sais pas plus. C'est-à-dire, donc nous avons des échanges avec ce marchand qui me confirme bien que ce sont les manuscrits de la collection Taverne. Et à partir de là, est communiquée l'information de l'annulation de la vente. Mais les raisons de l'annulation me sont inconnues. Et ça, c'est en cours. Je n'en sais strictement rien. Bon. En août 2018, vous avez retrouvé à Monaco une partition inédite du concerto en sol de Maurice Ravel, oui? Absolument. Vous confirmez? Donc en fait, en 2016, j'avais publié dans les cahiers Maurice Ravel l'information inédite, alors. Donc j'avais retrouvé donc le manuscrit de L'Enfant et les Sortilèges, provenant des éditions Durand, donc aux archives du Palais Princier de Monaco. Donc j'ai publié cette information en 2016 et j'ajoutais que je savais de sources sûres, donc je n'en dirai pas plus, que se trouverait également le manuscrit du concerto en sol provenant lui aussi des éditions Durand. Or, grand mystère, ajoutais-je, donc ce manuscrit aurait été donné par Jean-Jacques Lemoine, mais le manuscrit restait introuvable. Donc j'ai fait des recherches obstinées pour retrouver le manuscrit, et en août 2018, quelqu'un a eu vent de mon obstination à essayer de retrouver les manuscrits de Maurice Ravel à Monaco. Et un musicien, sous couvert d'anonymat, m'a communiqué un courrier à en tête avec l'inventaire de tous les manuscrits de Maurice Ravel, donc donné par Jean-Jacques Lemoine aux archives du Palais Princier de Monaco. Alors, donné ou légué, je n'en sais rien, je n'ai aucun détail. En tout cas, il y a une liste très détaillée et ces manuscrits viennent en partie des éditions Durand, dont le plus sensationnel que j'ai découvert en 2018, donc c'est donc le concerto en sol, ou concerto pour piano orchestre, et d'autre part, des manuscrits venant des archives de Maurice Ravel. Et je cite très simplement un titre, comme scoop pour vous, le Quatuor. C'est le seul manuscrit complet du Quatuor connu de Maurice Ravel. Bien, alors, Maurice Ravel, je vous écoute un peu troublé, un peu fasciné par cette enquête, là. C'est vraiment une enquête avec des mystères. Ravel avait aussi un appartement à Levallois, hein, légué à la ville par son frère Édouard. Là, beaucoup de choses auraient disparu également. Alors, disparu n'est pas le mot. Donc en fait, nous savons, grâce à des documents là aussi retrouvés, que donc on a même la date, le 27 octobre 1959, nous savons qu'un proche ami de Maurice Ravel, qui est un peintre et sculpteur, Léon Leritz, qui a fait de lui un buste pseudo-cubiste qui a été inauguré au retour de la tournée triomphale d'Amérique, avec une grande fête au Belvédère, avec une quarantaine d'amis, tout le monde musical. Et bien cet ami qui a contribué, Léon Leritz, à la décoration de l'appartement de Levallois, dans l'immeuble où habitait son frère, et il y avait aussi l'usine automobile du frère, les ateliers Bonnet, et bien nous savons qu'au nom du frère, de la part d'Édouard Ravel, donc, a été donné. Donc, nous avons une lettre qui le prouve, à la ville de Levallois, un certain nombre de souvenirs de Maurice Ravel, du mobilier, un buste, donc le fameux buste en bronze de Maurice Ravel, et d'autres souvenirs, on n'a pas de liste. Et depuis, on a beau questionner la mairie de Levallois, qui a peut-être d'autres choses à s'occuper actuellement. En tout cas, on a beau les interroger, nous n'avons jamais eu de réponse sur ces objets. Avec toi, quelle enquête, hein. Je rappelle le titre de votre somme, là. Maurice Ravel, l'intégrale. Correspondance de 1895 à 1937. Écrit et entretien. C'est aux éditions Le Passeur. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous avoir fait profiter de votre science immense de Maurice Ravel, cher monsieur. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Boléro de Ravel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre, trois fois pop sur France Inter. Trois fois bonjour, cher Antoine de Caunes. Bonjour, bonjour, bonjour, voilà. Fabrice. Et bien justement, trois sujets aujourd'hui au menu de Pop à Pop. Nous allons parler de René Goscinny, de Watchmen, la série qui démarre aujourd'hui, et puis de Intérieur Queer, un podcast. Très bien, c'est... Oui, exactement. Et c'est juste après Flash dans 5 minutes. Soyez au rendez-vous.